principio era pena y simpatía. J'avais une peur au amour, et mignon ma vie brava en ma fugia. Non festivo et splendide. Paixão, desvario meu nome.